Chapitre 13, où René de la Brunerie voit monter un nuage à l'horizon de son bonheur. Il était environ 8 heures du soir. Le dîner s'achevait à l'habitation de la Brunerie, où depuis 3 jours déjà le planteur et sa fille étaient de retour. René de la Brunerie, à laquelle le séjour de la basse terre déplaisait, surtout depuis que le général en chef avait quitté la ville pour se mettre en personne à la poursuite des Noirs, avait obtenu de son père de revenir à la plantation, prière que M. de la Brunerie avait immédiatement exaucée. Sans être avare, le planteur savait par expérience qu'il n'y a rien de tel que l'œil du maître, et dans les circonstances difficiles où la colonie était plongée, il n'était pas fâché de veiller par lui-même sur ses biens. Donc, le dîner s'achevait. Les convives, beaucoup plus nombreux encore qu'ils ne l'étaient 8 ou 10 jours auparavant, car les déprédations commises par les troupes noires qui tenaient la campagne avaient obligé tous les blancs disséminés çà et là dans leur exploitation à chercher provisoirement un refuge chez les riches propriétaires, plus en état de se défendre contre les attaques des révoltés. Les convives, disons-nous, fumaient et causaient tout en savourant leur café. La conversation était très animée. Elle roulait exclusivement sur la guerre, sujet palpitant et qui, naturellement, intéressait au plus haut point la plupart des personnes présentes. Messieurs Rigaudin et des Dorides soutenaient une polémique assez vive contre le lieutenant Alexandre Dubourg, émettant chacun leur tour, et souvent tous les deux à la fois, les opinions les plus erronées sur les mouvements stratégiques de l'armée française, avec un aplomb qui ne pouvait être égalé que par leur complète ignorance du sujet, qu'ils traitaient avec une si grande désinvolture. Ces hérésies, auxquelles, à cause de leur ineptie même, il lui était souvent impossible de répondre, faisaient bondir l'officier sur son siège, ce que les deux planteurs ne manquaient point de prendre pour une victoire, alors qu'ils accablaient le malheureux lieutenant de plaisanteries à double sens et de sourires ironiques, en se frottant les mains et en promenant avec fatuité des regards triomphants autour d'eux. Cependant, les nouvelles de la guerre étaient meilleures. On avait appris par le sergent Kerbrock, sorti de l'ambulance et de retour depuis l'après-dîner à l'habitation, que le capitaine Ignace avait été mis en déroute et son détachement complètement détruit à Brimbridge, que lui-même avait été contraint de fuir presque seul et de se réfugier en toute hâte dans les Mornes, d'où on espérait qu'il ne sortirait plus. Les hôtes de M. de la Brunerie savaient de plus, comment le savaient-ils? Nul n'aurait pu le dire, puisque le sergent Kerbrock, le seul étranger qui eût paru ce jour-là à la Brunerie, l'ignorait lui-même, que le matin, les Noirs retranchés à l'habitation d'Anglemont avaient envoyé un parlementaire au général en chef, à son quartier général, que ce parlementaire avait été reçu par Richepanse et traité avec les plus grands égards. Là s'arrêtaient les renseignements. Mais les dignes planteurs en savaient assez pour étayer sur ces renseignements les théories les plus saugrenues. Avec l'insouciance native qui distingue les créoles, les braves planteurs, à peu près ruinés pour la plupart, avaient déjà oublié leur malheur particulier pour ne plus songer qu'aux événements dont leur île était le théâtre, les commenter et les discuter avec ce feu et cette animation qu'ils mettent même dans les discussions les plus futiles et qui font souvent supposer qu'ils se querellent aux étrangers peu au fait de leur caractère lorsqu'il ne faut au contraire que causer de la manière la plus amicale, mais avec force cris et gestes. Monsieur de la Brunerie, comme de coutume, présidait une des tables, et Monsieur David, le majordome, présidait la seconde. René de la Brunerie, peu souffrante, n'assistait pas au dîner. Elle s'était fait servir chez elle. Retirée dans son appartement, assise à une table où se trouvaient 2 couverts, René dînait en tête à tête avec une belle jeune fille, à peu près de son âge, douce, gracieuse, et dont les grands yeux noirs pétillaient de malice et de gaieté. Cette jeune fille était Mademoiselle Hélène de Foissac, la sœur de Gaston, la compagne d'enfance de René et surtout son amie de cœur. Les deux jeunes filles dînaient, avons-nous dit. Nous nous sommes trompés, nous avons voulu dire picorées comme des Bengalis capricieux et surtout rassasiés. En effet, c'est à peine si elles touchaient ou mordillaient du bout de leurs lèvres roses les mets appétissants et variés que tour à tour leur présentaient d'un air câlin leur ménine, admise seule à les servir à table. une indéfinissable appréhension se laissait voir sur leurs charmants visages. Renée était préoccupée, triste, pensive. Hélène elle-même, peut-être par sympathie, semblait avoir perdu une partie de sa gaieté ordinaire. Leur conversation, à bâtons rompus, ne procédait que par bonds et par saccades, tantôt vives, fébriles même, tantôt froides, languissantes. Elle effleurait tous les sujets et souvent elle était interrompue par de longs silences. Le matin de ce jour, M. de la Brunerie avait eu avec sa fille une longue et sérieuse conversation, qui avait causé à la jeune fille une impression tout à la fois si vive et si forte, bien que plusieurs heures se fussent écoulées depuis cet entretien, cette impression durait encore. Le planteur, à la vérité, en termes très vagues et sans vouloir rien préciser positivement, avait fait sentir à sa fille qu'il était résolu à mettre un terme à ses hésitations continuelles sur son mariage. Que le bruit fâcheux d'une rupture entre elle et son fiancé Gaston de Foissac s'était répandu dans la colonie, et surtout à la basse terre, que les commentaires allaient grand train, comme toujours en pareil cas, que ces commentaires étaient loin d'être obligeants pour elle, qu'il était temps de les faire cesser et de les arrêter complètement, en fermant la bouche au bavard par son mariage avec son cousin Gaston de Foissac. Mariage convenu depuis tant d'années, et qu'il voulait absolument conclure aussitôt après la défaite des rebelles. Ce qui, ajoutait-il, ne pouvait pas manquer d'avoir lieu bientôt. Monsieur de la Brunerie, qui en commençant cette conversation avec sa fille, s'était intérieurement promis de rester dans les généralités et de ne rien dire de trop positif ou de trop direct, n'avait pas manqué cette fois de faire comme il faisait toujours, c'est-à-dire qu'il s'était laissé aller trop loin, et avait ainsi obtenu un résultat diamétralement opposé à celui qu'il se proposait d'obtenir. La même chose arriva à René, mais de la part de la jeune fille, ce fut avec intention de parti pris. Au lieu de suivre, ainsi qu'elle devait le faire, l'excellent conseil que son ami le chasseur de rats lui avait donné, de ne répondre ni oui ni non à son père, et d'essayer ainsi de gagner du temps, la fière jeune fille, dont le noble caractère répugnait surtout aux mensonges, et que son organisation essentiellement loyale rendait très peu apte à ces discussions, dont la ruse et la finesse doivent faire tous les frais, avait répondu de telle sorte à M. de la Brunerie, sans cependant pour cela sortir des bornes du respect qu'elle professait pour lui, que le planteur en était d'abord demeuré abasourdi. Puis au bout de quelques instants, aussitôt que son sang-froid était revenu, ou à peu près, il était sorti en déclarant à sa fille qu'avant 15 jours, elle épouserait son cousin Gaston de Foissac. Jamais son père, dont elle se savait tendrement aimée, ne lui avait parlé avec cette rudesse. Aussi, Renée avait-elle été douloureusement frappée. Non pas peut-être autant de la décision de M. de la Brunerie que du ton blessant dont ses paroles avaient été prononcées par lui. Lorsque la hautaine jeune fille avait entendu son père s'exprimer ainsi qu'il l'avait fait, il lui avait semblé qu'une fibre secrète de son cœur s'était tout à coup rompue. Elle qui aimait si pieusement son père, qui se croyait aimée de lui au-dessus de tout, elle s'était sentie douloureusement affectée en reconnaissant que l'orgueilleux vieillard avait placé l'amour-propre et l'entêtement au-dessus de la tendresse filiale, si pure et si entière de sa fille. Elle en concluait que tous les torts se trouvaient du côté de son père, puisque l'obéissance qu'il exigeait d'elle devait faire le malheur de sa vie, en la contraignant, malgré ses prières, à épouser un homme qu'elle n'aimait pas, qu'elle n'aimerait jamais. Il est vrai que la réponse faite par la jeune fille avait été si nette, si claire, si précise, que jusqu'à un certain point elle justifiait la grande colère du vieillard. « Mon père, avait-elle dit, tout en rendant la plus entière justice aux belles et nobles qualités de mon cousin Gaston de Foissac, jamais je ne l'aimerai. J'en aime un autre, auquel j'ai depuis longtemps déjà engagé ma foi. Je serai sa femme ou je mourrai vieille fille. » « Ah, avait répondu le planteur, vous repoussez d'épouser votre cousin envers lequel moi je me suis engagé ? Je regrette, mon père, que vous, qui m'aimez tant, ayez pris cet engagement funeste, sans daigner consulter mon cœur. » « Ta ta ta, avait-il fait en riant, tout cela n'a pas le sens commun. Ce sont des raisonnements de petite fille, vous l'épouserez. J'ai le chagrin de vous répéter pour la seconde fois, mon père, que je n'épouserai pas mon cousin, parce que mon cœur est à un autre, que cet autre même, et que nous nous sommes jurés de nous unir ensemble, ou de ne jamais nous marier. » Fadesque tout cela, mademoiselle. J'ai entendu parler de cet amour romanesque. J'ai refusé d'y ajouter foi, sans même me soucier de prendre la peine de demander le nom de ce beau ténébreux. Vous avez eu grand tort, mon père, de ne pas ajouter foi à cet amour. Il est sincère et profond. Quant au nom de ce beau ténébreux que vous avez refusé de connaître, je n'ai aucun motif de le cacher. Je vais vous le dire, mon père, c'est le général Antoine Richepense, commandant en chef le corps expéditionnaire français. Ah, ah, c'est donc lui ? S'écria M. de la Brunerie, je m'en doutais. Vous deviez vous en douter, en effet. Que voulez-vous dire ? Rien de plus que ce que je vous dis, mon père. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, j'en suis fâché pour le général Richepense. Mais vous ne l'épouserez pas, mademoiselle. Soit, mon père. À mon tour, je vous déclare aussi que je n'épouserai personne. Dussé-je en mourir ? Avait-elle répondu, avec une fermeté qui avait causé au vieillard l'émotion dont nous avons parlé. C'est alors que M. de la Brunerie avait dit à sa fille les paroles que nous avons rapportées plus haut, et avait quitté sa chambre à coucher, où cette scène se passait, en proie à une si grande animation. René avait passé la journée tout entière à pleurer, sans que son amie mademoiselle Hélène de Foissac, avec ses douces caresses, réussît à tarir ses larmes. D'ailleurs, Hélène aussi avait ses peines, mélangées de joie, il est vrai, mais cuisantes cependant. La conduite héroïque du capitaine Paul de Châtenois lors de l'évacuation du fort Saint-Charles par les Noirs et la distinction éclatante qui en avait été la récompense l'avaient à la vérité comblé de joie. Car on le sait, Hélène aimait le jeune officier, dont elle était adorée. Leur mariage était convenu et devait être célébré très prochainement. Mais d'un autre côté, Hélène avait été excessivement peinée par la résolution prise si à l'improviste par son frère Gaston. Résolution dont elle avait aussitôt deviné les motifs secrets. Elle ne pouvait en vouloir à son amie de ne pas aimer Gaston, quelles que fussent d'ailleurs ses qualités personnelles. Mais si elle plaignait René, son ami, elle plaignait bien plus encore Gaston, son frère, si digne d'être aimé et si malheureux de ne l'être pas. Les jeunes filles avaient terminé leur repas. Depuis quelques minutes, elles s'étaient levées de table et étaient passées dans un boudoir. Lorsque M. de la Brunerie, après s'être fait annoncer, entra une lettre à la main, en compagnie du chasseur de rats, que suivait à ses talons, comme de coutume, son inséparable meute de chiens ratiers. En apercevant son père, la jeune fille se sentit pâlir, malgré elle. Cependant, se remettant aussitôt, elle se leva, fit une profonde révérence, baissa les yeux et attendit. « Ma chère enfant, dit le planteur d'un ton qu'il essayait de rendre enjoué, sans doute afin de donner le change au chasseur, dont la perspicacité l'inquiétait toujours. Je reçois à l'instant une lettre du général Richepense. Ah ! Fit-elle avec un tressaillement nerveux, en levant sur son père ses grands yeux pleins de larmes. Monsieur de la Brunerie détourna la tête pour ne pas voir l'émotion de sa fille, et il continua en feignant de plus en plus la bonne humeur. « Oui, cette lettre m'a été remise à l'instant par notre ami le chasseur, qui me l'a apportée en personne. » Le général, paraît-il, a véritablement accordé une entrevue à ce misérable Delgrès. Cette entrevue, dont entre nous je n'augure rien de bon au reste, doit, paraît-il, avoir lieu demain, à 10 heures du matin, à l'habitation Carole, sur la première pente du Matouba. « Que me fait cela, mon père ? » demanda René avec un accent glacial. « Attends donc, cher enfant, continua imperturbablement le planteur. Il paraît que ce Delgrès exige que tu tiennes la promesse que tu lui as faite, prétend-il, et que tu assistes à cette entrevue. Le commandant Delgrès ne prétend rien qui ne soit exact, mon père. Je lui ai en effet promis d'assister à l'entrevue qu'il demanderait au général Richepense. Cette promesse a été faite devant témoin. Je l'affirme, dit le chasseur de rats. Cela a eu lieu en ma présence au fort Saint-Charles. Soit, c'est possible, se hâta de dire le planteur, bien que je ne me doute nullement pourquoi. Mais ces hommes de couleur sont tellement maniaques que, quoi qu'on fasse, on ne sait jamais à quoi s'en tenir avec eux. Mon père, répondit la jeune fille, je ne puis ni ne veux essayer de pénétrer les motifs secrets que pourrait avoir le commandant Delgrès lorsqu'il me pria de lui faire cette promesse. Je me bornerai à vous dire qu'il venait de me rendre un service immense. Vous le savez déjà depuis mon retour à la basse terre. Je n'insisterai donc pas sur ce sujet. Je ne devais pas refuser à cet homme une aussi légère satisfaction. Cette promesse, je la lui fis volontairement. Il me la rappelle aujourd'hui, c'est son droit. je la tiendrai de même que j'ai toujours tenue, et que toujours je tiendrai les promesses que j'ai faites ou que je ferai, ajouta-t-elle d'une voix ferme, avec un accent incisif. Hum, fit le planteur avec embarras, en entendant articuler si nettement par sa fille cette menace voilée. Mais se remettant presque aussitôt, il reprit en souriant. Voilà qui est bien. Quand partons-nous pour le camp, ma mignonne? Cela m'est complètement indifférent, mon père, répondit-elle nonchalamment. Cela dépend de vous. Nous partirons quand il vous plaira. Merci, cher enfant. Vous nous accompagnerez, n'est-ce pas, chasseur? Oui, répondit laconiquement le vieillard, dont le regard scrutateur était depuis quelques instants opiniâtrement fixé sur le pâle visage de la jeune fille. À quelle heure pensez-vous que nous devions partir? À 8 heures du matin au plus tard, bien que la route ne soit pas longue. Cependant, il faut tenir compte de l'état des chemins. Ils sont mauvais, difficiles, obstrués et même coupés en plusieurs endroits. C'est parfaitement exact. Nous partirons donc à 8 heures du matin, c'est convenu. Je donnerai les ordres nécessaires pour que l'escorte soit prête. Quelle escorte? Demanda le chasseur. Pardieu, celle que nous emmènerons avec nous pour nous défendre en cas de besoin. C'est inutile, monsieur. Il y a une suspension d'armes entre les Français et les rebelles. D'ailleurs, mademoiselle de la Brunerie ne possède-t-elle pas la meilleure escorte possible, un sauf-conduit signé par Delgrès lui-même? Je possède en effet ce sauf-conduit, dit la jeune fille. C'est possible, mais franchement, croyez-vous bien sérieusement que ce misérable Delgrès... Le commandant Delgrès n'est pas un misérable, monsieur, interrompit durement le chasseur. C'est un homme d'honneur, comme vous, qui combat pour une cause qu'il croit juste, et qui l'est effectivement à ses yeux, et à ceux de bien d'autres encore. Son seul tort vis-à-vis de vous est d'être votre adversaire. Permettez, vieux chasseur, mon opinion sur cet homme est faite depuis longtemps. Je n'en changerai pas. Il est donc inutile de discuter à ce sujet. Puisque vous êtes convaincu que ce sauf-conduit sera respecté, et qu'il suffira pour protéger ma fille, nous ne prendrons pas d'escorte. Ainsi n'oublions pas, mon enfant, demain à 8 heures précises du matin. Je serai prête, mon père, dit René. Et moi aussi, s'écria vivement Hélène. Comment, vous aussi, petite cousine? Certes, cher monsieur de la Brunerie, je désire beaucoup, depuis longtemps, visiter le camp français. L'occasion s'en présente, j'en profite, quoi de plus simple? À moins pourtant, mon cousin, que ma compagnie ne vous paraisse ennuyeuse et désagréable, auquel cas je m'abstiendrai. Vous ne pouvez le supposer, chère cousine. Je serai au contraire très heureux que cette promenade, car ce n'est pas autre chose, soit honorée de votre charmante présence. On n'est pas plus aimable, puisque vous êtes si gracieux, mon cousin. C'est entendu, je pars avec vous. Vous me comblez, Hélène, répondit le planteur, qui faisait une moue affreuse. Maintenant, je prends congé de vous, en vous souhaitant une bonne nuit. Bonsoir donc, mon cousin, et à demain. C'est entendu. Bonsoir, René. Dors bien, ma chère enfant. Bonsoir, mon père, répondit froidement la jeune fille, en tendant d'un air distrait son front au planteur, qui y mit un baiser. Monsieur de la Brunerie se retira alors, suivi du chasseur, qui, avant de sortir, échangea un regard triste avec René. Les deux jeunes filles se trouvèrent seules dans le boudoir. « Courage, cher René, s'écria joyeusement Hélène. Qui sait si demain ne sera pas pour toi un jour de bonheur ?»« Charmante folle que tu es, répondit tristement son ami. Pourquoi veux-tu qu'il en soit ainsi ?»« Que sais-je ? J'ignore pourquoi. Un pressentiment, peut-être. On en a parfois comme cela. C'est indépendant de la volonté. Il me semble que demain il nous arrivera quelque chose d'heureux. Sèche tes beaux cheveux et sois gaie, ma mignonne. Et surtout espère. L'espérance est le diamant le plus pur que Dieu ait déposé dans le cœur de ses créatures pour leur donner le courage et la force de vivre. Sans l'espérance, ma chérie, la vie deviendrait impossible. » Malgré sa tristesse, René ne put s'empêcher de sourire. « À la bonne heure, reprit mademoiselle de Foissac. Voilà comme je t'aime, cher ange, ne pleure pas. Si tu veux toujours être belle. » Cela en très laide les larmes, je t'en avertis. « Bah, attendons demain. Veux-tu m'embrasser ?»« Oh, de grand cœur, ma chère Hélène. » Les deux jeunes filles tombèrent en souriant dans les bras l'une de l'autre. Le lendemain, à 8 heures du matin, ainsi que cela avait été convenu la veille, tout était prêt pour le départ. Une dizaine de chevaux fringants et richement harnachés piaffaient, en blanchissant leur mort d'écume au bas du perron de l'esplanade. Car bien que monsieur de la Brunerie eût, d'après l'avis du chasseur, complètement renoncé à son projet d'escorte, il ne pouvait cependant marcher sans cette suite de serviteurs, cortège obligé, qui sans cesse accompagne les planteurs lorsqu'ils sortent de leur habitation pour faire une excursion, si courte qu'elle soit. Les commentaires ne tarissaient pas parmi les hôtes de monsieur de la Brunerie sur l'imprudence que commettait le planteur en se hasardant ainsi en rase campagne, sans emmener seulement un homme armé avec lui. Mais monsieur de la Brunerie ne répondait que par des sourires de bonne humeur aux observations qui lui étaient faites par ses officieux importuns, bien qu'animés de meilleures intentions. Le chasseur de rats, immobile auprès des chevaux, les deux mains croisées appuyées sur l'extrémité du canon de son fusil, et ses chiens couchés à ses pieds, haussait dédaigneusement les épaules en les regardant d'un air goguenard, tout en murmurant à demi-voix ce mot si désagréable et si malsonnant pour les oreilles auquel il serait parvenu. Imbécile! Les deux dames parurent enfin, suivies de leur ménine et de deux ou trois servantes chacune, pas davantage. C'était modeste pour des créoles. Il n'y avait certes pas à se plaindre. Elles montèrent à cheval. Puis monsieur de la Brunerie, après avoir à voix basse adressé quelques recommandations à monsieur David, se mit en selle à son tour, et le chasseur, ayant pris la tête de la petite troupe, on partit. Le chasseur de rats n'avait rien exagéré lorsqu'il avait dit la veille que les chemins étaient mauvais. Ils étaient exécrables. Tout autre chevaux que les excellentes petites bêtes montées par les voyageurs, accoutumées à grimper comme des chèvres à travers les sentiers les plus abrupts, sans jamais y trébucher, ne serait point parvenu à en sortir. Les Noirs avaient tout détruit et bouleversé avec acharnement, dans le but sans doute de fortifier les positions qu'ils occupaient dans les mornes. Non seulement ces chemins, assez difficiles déjà en temps ordinaire, étaient défoncés de distance en distance et coupés par de larges tranchées très profondes, mais, comme si ce n'eût pas été assez de cet obstacle, des arbres énormes, coupés au pied, étaient jetés en travers de la route, entassés pêle-mêle les uns sur les autres, et formaient ainsi de véritables barricades qui obstruaient complètement le passage. Il fallait des prodiges d'adresse, une sûreté de pied inimaginable chez les chevaux, pour qu'ils réussissent à se frayer un chemin à travers ces inextricables fouillis, sans renverser leurs cavaliers, ou rouler eux-mêmes au fond des précipices, béant sous leurs pas. Le spectacle qui s'offrait aux regards des voyageurs le long de leur route, et aussi loin que leur vue pouvait s'étendre, dans toutes les directions, étaient des plus tristes et des plus désolés. Partout c'étaient des décombres, des ruines, dont quelques-unes fumaient encore, des débris tachés de sang, des cadavres enfouis pêle-mêle sous des monceaux de poutres à demi brûlés, et au-dessus desquels planaient en large cercle, avec des cris rauques et stridents, les immondes gypaètes. Partout c'était l'aspect le plus hideux des désastres de la guerre, avec toutes les horreurs qu'elle entraîne à sa suite. Un tremblement de terre, eût-il duré une journée entière, n'eût certes pas causé d'aussi effroyables ravages et produit de tels malheurs. Les jeunes filles se sentaient frémir malgré elles à la vue de cette campagne si belle, si riante, dont la végétation était quelques semaines auparavant si puissante et si plantureusement exubérante, et maintenant semblait avoir été bouleversée de fond en comble par un cataclysme horrible, et ne présentait plus aux regards affligés qu'un chaos confus, immonde, repoussant, d'objets sans nom, sans couleur, foulés aux pieds, brisés comme par la rage insensée des bêtes sauvages, et dont la vue seule faisait horreur. Vers 9h30, c'est-à-dire 1h30 après son départ de la plantation, la petite troupe, qui avait été contrainte de marcher très lentement au milieu de cet effrayant dédale, où elle ne parvenait que fort difficilement à s'ouvrir un passage, aperçut enfin, à environ 2 portées de fusil devant elle, les grandes gardes de l'armée française, et plus loin en arrière, les feux de bivouac du camp, dont la fumée montait vers le ciel en longue spirale bleuâtre. Le commandant Paul de Châtenois, car déjà le jeune officier portait les insignes de son nouveau grade, attendait aux avant-postes l'arrivée des voyageurs, avec une escorte de 10 dragons, que le général en chef avait envoyé pour leur faire les honneurs à leur entrée dans le camp. La vue du commandant de Châtenois causa une joyeuse surprise à Mlle Hélène de Foissac. La jeune fille était loin de s'attendre à rencontrer si promptement, et surtout si à l'improviste, celui qu'elle aimait. La réception faite par M. de la Brunerie et sa fille au nouveau chef de bataillon fut des plus affectueuses. Paul de Châtenois leur souhaita la bienvenue de la part du général en chef, et rangeant son cheval auprès des leurs, après avoir donné à ses dragons l'ordre de prendre la tête de la troupe, il guida les nouveaux venus à travers les rues du camp, jusqu'au quartier général, au milieu duquel s'élevait la tente du commandant en chef, surmontée d'un large drapeau tricolore. Le général Richepanse était à cheval. Il attendait au milieu d'un nombreux et brillant état-major. En apercevant M. de la Brunerie, le général poussa vivement son cheval à sa rencontre, mit le chapeau à la main pour le saluer, et s'inclinant devant les dames avec cette exquise courtoisie dont il possédait si bien le secret, après les premiers compliments, il dit en s'adressant à René de la Brunerie, qui n'avait pas encore prononcé une seule parole, mais qui fixait sur lui un regard d'une expression singulière. « Mademoiselle, avant tout, permettez-moi de vous adresser mes excuses les plus humbles et les plus profondes. Je suis au regret, croyez-le bien, de vous avoir occasionné un aussi désagréable dérangement, surtout à une heure si matinale, et de vous avoir ainsi contrainte à vous rendre dans mon camp. Soyez bien convaincu, je vous en conjure, qu'il n'a pas dépendu de moi qu'il en fût autrement. » Général, répondit doucement la jeune fille avec un pâle sourire, il n'est besoin de m'adresser aucune excuse. Je viens accomplir un devoir en m'acquittant de la promesse que j'avais faite au commandant Delgrès. Il est donc, je vous le répète, inutile de vous excuser près de moi, d'une chose qui n'est en réalité que le fait de ma propre volonté. Me voici à vos ordres et prête à vous accompagner où vous jugerez convenable de me conduire. Je suis réellement confus, mademoiselle. Heureusement que le but de notre excursion est assez rapproché. À l'habitation Carole, je crois, général, dit alors le planteur. Oui, monsieur, à deux pas d'ici. C'est le lieu choisi par le chef des rebelles lui-même pour notre entrevue. Allons donc, général, je vous confie, mademoiselle de la Brunerie. Honneur dont je saurais être digne, monsieur, répondit Richepanse. Général, demanda René, est-ce que mademoiselle de Foissac ne peut pas m'accompagner? Si cela lui plaît, mademoiselle, rien ne s'y oppose. Oh, quel bonheur! S'écria la jeune fille en battant des mains. C'est charmant! Je vais enfin voir ce féroce rebelle. Est-ce qu'il est bien laid, général? Mais pas trop, mademoiselle, répondit Richepanse. Je le crois du moins, car je ne le connais pas. Excusez-moi de donner l'ordre du départ, mademoiselle. Le temps nous presse. Monsieur de la Brunerie, à bientôt et mille merci. Vous ne me devez rien, général. Je n'ai fait qu'accomplir un devoir, répondit courtoisement le planteur. Commandant, demanda Richepanse à Paul de Châtenois, l'escorte est-elle prête? Oui, mon général. Alors, en marche, messieurs, ajouta Richepanse en saluant à la ronde. Au revoir. À bientôt, général, répondirent respectueusement les assistants. Le commandant en chef sortit alors du camp, en compagnie des deux jeunes filles, et sous l'escorte du commandant de Châtenois et de 20 dragons. Il était 10 heures moins un quart du matin.